le marquis ne manqua pas de demander à Madame de la Pommeraye ce que c'était que ces deux femmes. Ce sont deux créatures plus heureuses que nous. Voyez la belle santé dont elles jouissent, la sérénité qui règne sur leur visage, l'innocence, la décence qui dicte leurs propos. On ne voit point cela, on n'entend point cela dans nos cercles. Nous plaignons les dévots nous plaignent, et à tout prendre, je penche à croire qu'ils ont raison. Mais marquise, est-ce que vous seriez tentée de devenir dévote? Pourquoi pas? Prenez-y garde, je ne voudrais pas que notre rupture, si c'en est une, vous menace jusque-là. Et vous aimeriez mieux que je rouvrisse ma porte au petit comte? Beaucoup mieux, et vous me le conseilleriez, sans balancer. Madame de la Pommeraye dit au marquis ce qu'elle savait du nom, de la province, du premier état et du procédé de dévote, y mettant tout l'intérêt et tout le pathétique possible. Puis elle ajouta, ce sont deux femmes, d'un mérite rare, la fille surtout. Vous concevez qu'avec une figure comme la sienne, on ne manque de rien ici, quand on veut en faire ressource. Mais elles ont préféré une honnête modicité à une aisance honteuse. Ce qui leur reste est si mince qu'en vérité, je ne sais comment elles font pour subsister. Cela travaille, nuit et jour. Supporter l'indigence quand on y est né, c'est ce qu'une multitude d'hommes savent faire. Mais passer de l'opulence au plus étroit nécessaire, s'en contenter, y trouver la félicité, c'est ce que je ne comprends pas. Voilà à quoi sert la religion. Nos philosophes auront beau dire, la religion est une bonne chose. Surtout pour les malheureux, dit le marquis. Et qui est-ce qui ne l'est pas, plus ou moins? Je veux mourir si vous ne devenez dévote. Le grand malheur, cette vie est si peu de choses quand on la compare à une éternité à venir. Mais vous parlez déjà comme une missionnaire. Je parle comme une femme persuadée. Là, marquis, répondez-moi vrai. Toutes nos richesses ne seraient-elles pas de bien pauvres guenilles à nos yeux si nous étions plus pénétrés de l'attente des biens et de la crainte, des peines de notre vie? Corrompre une jeune fille ou une femme attachée à son mari avec la croyance qu'on peut mourir entre ses bras et tomber tout à coup dans des supplices sans fin, convenez que ce serait le plus incroyable délire. Cela se fait pourtant tous les jours. C'est qu'on n'a point de foi, c'est qu'on s'étourdit. C'est que nos opinions religieuses ont peu d'influence sur nos mœurs. Mais mon ami, je vous jure que vous acheminez à toutes jambes au confessionnel. C'est bien ce que je pourrais faire de mieux. Allez, vous êtes folle. Vous avez encore une vingtaine d'années de jolis péchés à faire. N'y manquez pas. Ensuite, vous vous en repentirez et vous irez vous en vanter au pied du prêtre, si cela vous convient. Mais voilà une conversation d'un tour bien sérieux. Votre imagination se noircit furieusement, et c'est l'effet de cette abominable solitude où vous êtes renfoncé. Croyez-moi, rappelez au plus tôt le petit comte, vous ne verrez plus ni diable ni enfer, et vous serez charmante comme auparavant. Vous craignez que je vous le reproche, si nous ne raccommodons jamais. Mais d'abord, nous ne raccommoderons peut-être pas. Et par une appréhension bien ou mal fondée, vous privez du plaisir le plus doux. Et en vérité, l'honneur de valoir mieux que moi ne vaut pas sacrifice. Vous dites bien vrai. Aussi, n'est-ce pas là ce qui me retient? Il y a encore beaucoup d'autres choses que je ne me rappelle pas.